Christ, Ndikomanyanga. Alphonse Koumouma Nassir, la mise en onde de bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro, à ce journal, édition de la mi-journée de ce dimanche 21 février 2021, dont voici d'abord le sommaire. À la une de l'actualité, les eaux du lac Tanganyika ont débordé depuis l'après-midi de ce samedi, paralysant toutes les activités des bars et restaurants, comme nous le dira notre confrère, Obenyongro, qui s'est rendu sur les lieux. Au sud du pays, à Rumonge, précisément, c'est la flambée des prix des matériaux de construction, comme nous le dira notre correspondant sur place. Et la chronique nutrition de ce dimanche nous parlera de la citronnelle, qui est une herbe riche en éléments nutritifs. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation pour ouvrir ce journal. Les plus de 100 enseignants vacataires et plus de 4000 bancs pupitres également. Tels sont certains des besoins qu'enregistre la direction communale d'enseignement et en commune Gattara dans la province de Kayanza pour une bonne organisation du secteur de l'éducation, selon le directeur communal de l'enseignement à Gattara. Il a dit ce samedi dans une réunion entre les natifs de cette commune. Les détails avec Patrick. Dans cette réunion, c'est le domaine de l'éducation auquel on a accordé une attention particulière. Selon Isidore Girukushaka, directeur communal d'enseignement à Gattara, le secteur de l'éducation en cette commune est confronté à de problèmes multiples. Son responsable a cité à titre d'exemple le manque d'environ 110 enseignants vacataires au niveau du cycle fondamental et au poste fondamental. Isidore Girukushaka a parlé aussi d'un manque d'une photocopieuse et d'une imprimante pour faciliter la multiplication des examens, surtout pour les classes terminales où les élèves de différents établissements effectuent souvent des examens communs. La direction communale d'enseignement à Gattara se retrouve également dans un besoin d'environ 4100 bancs pupitres pour que les élèves suivent les cours assis confortablement, a ajouté le directeur communal d'enseignement à Gattara. Gakuyano Sylvain, administrateur de la commune Gattara, a profité de cette occasion de la rencontre pour sensibiliser les natifs de la commune Gattara à prendre une part très active dans le développement de leur commune. Partant de cet appel de l'administrateur, les natifs de la commune Gattara qui avaient répondu présents en cette réunion ont mis en place une caisse dont les fonds seront alloués principalement à la redynamisation du secteur de l'éducation et surtout l'octroi des frais d'encouragement aux enseignants vacataires. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiva pour tous ces détails. Parlons commerce à présent. Je vous le disais en titre, flambée des prix pratiqués sur le matériel métallique de construction ces derniers temps, jusqu'à plus de 50% sur certains produits, et ceux qui en sont dans les besoins de se lamenter que leur projet avance à pas de tortue. Les grossistes de ces produits à Rumonge, interrogés, parlent d'une chute de production du haut niveau de l'usine Moussumba Steel où ils s'approvisionnaient. Une chute qui serait liée à un manque criant de devises selon leur dire. Les détails avec Jean-Pierre Messaco. Les prix pratiqués sur les fers à béton, de même que les différentes sortes de tubes métalliques utilisés dans la fabrication des portes et fenêtres, ont grimpé avec une exagération sur les tôles métalliques dont les prix ont connu une hausse de plus de 50%. Les soudeurs rencontrés au quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge se lamentent que la demande a baissé, rendant difficile la vie dans les familles dont les revenus dépendaient de la soudure. Même son de cloche chez les propriétaires de maisons en chantier qui estiment exorbitante la fermeture de maisons en construction. Dans ces derniers jours, la construction d'une maison est très chère car le matériau pour la fermeture des fenêtres tout comme des portes, surtout les portes et fenêtres métalliques, le coût est très élevé, quitte à ce que ça, comme ça coûte les yeux de la tête, c'est pas n'importe qui pourrait avoir les moyens pour fermer sa maison. Tous demandent au gouvernement burundais d'arrêter des mesures allant dans le sens de stopper cette flambée des prix. Les grossistes de ces matériels métalliques à Rumonge interrogés disent que les quantités obtenues à l'usine Moussumba Steel où ils s'approvisionnent ont sensiblement diminué. Au niveau de l'usine Moussoumba Steel, l'on reconnaît des ruptures de stock fréquentes. On indique qu'il s'agit d'une rupture de stock consécutive à la rareté du dollar, monnaie d'importation dont la matière première et qui s'obtient difficilement après avoir vendu en monnaie burundaise. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. On parlait de la flambée de prix des matériaux à Rumonge et à Kirundo, c'est la flambée du prix du fruit avocat. Certains parmi les gens qui exercent de petits métiers dans la ville de Rumonge se lamentent de la flambée des prix des avocats dans cette ville où il leur est difficile de trouver un avocat de 50 francs. Les prix des avocats varient de 300 francs, voire plus de 500. Les femmes vendeuses des avocats dans la ville de Kirundo mentionnent qu'ils vendent des avocats selon les moyens dépensés lors du trajet de l'approvisionnement de ce fruit. Divozimane Alundas, directeur du bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et de l'élevage, informe que ce manque des avocats serait lié à l'importation massive, à l'exportation plutôt massive de ce produit vers la Tanzanie. Les détails avec Agnès Nambagati. Kerivudzimana Leonidas, directeur du bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, la province de Kirundo enregistre plus de 500 000 avocatiers, parmi lesquels 380 000 sont en état de maturité massive et que 113 000 ne sont pas encore en état de production. Malgré cela, certains gens de la ville de Kirundo qui exercent des petits métiers comme des cordonniers, des vendeurs de savons et des transporteurs se lamentent de la flambée du prix de ce fruit qui leur est difficile de s'en procurer à 50 francs par avocat ces derniers temps. Ils affirment que ce fruit les aide dans l'accompagnement de leurs repas, surtout pour augmenter la quantité. Selon la même source, un avocat aujourd'hui dans la ville de Kirundo s'achète à 300 francs, voire plus de 500 francs, mais faute de moyens, certains préfèrent ne pas consommer ce fruit parce qu'il coûte cher. Les femmes vendeuses des avocats dans la ville de Kirundo mentionnent qu'ils vendent ces avocats selon les moyens dépensés pour le coût du transport, parce qu'ils arrivent des fois où elles s'en approquirent loin de la ville de Kirundo, comme dans la commune Wusoni ou à Munzenze. Leonidas Sirivudzimana informe que la province de Kirundo a un nombre important des avocats et que ce manque des avocats serait lié à l'importance massive de ce produit vers la Tanzanie, surtout dans les communes Gitobe, Bugambarangwe, Vumbi et Kirundo. Il a aussi ajouté qu'ils sont en train d'inventorier ces avocatiers en vue de répondre au projet gouvernemental d'installer au Burundi des usines de transformation de ce produit. De Kirundo, Agnès Nahomagadze pour la radio Isanganiro. Merci à Agnès Naumbagadze de Kirundo Cap sur Moiro, où le marché situé au sud-ouest de cette province manque de clôture. Les commerçants exerçant leurs activités au sein de ce marché disent que ce dernier devrait être clôturé pour éviter des cas de vol qui peuvent s'observer. L'administrateur de la commune Kayokwe, Honoré Hatungimana, dit qu'elle a déjà tenu une réunion avec ses commerçants pour voir comment ce projet peut être exécuté. L'État avec Laurent Dicoudi. Le marché situé au chef-lieu de la province Moaro a été construit il y a plus de 15 ans, mais n'a pas jusqu'à aujourd'hui de clôture. Selon les informations données par les commerçants exerçant leurs activités dans ce marché, le manque de clôture entraîne un problème d'hygiène au sein de ce marché. Patrice Vassitignakame, commissaire à ce marché, souligne qu'il arrive des fois où des tubes métalliques des kiosques qui s'y trouvent soient volés par des inconnus. Des cas de vol concernent aussi quelquefois les planches des stands. Il indique que si ce marché été clôturé, même le travail des veilleurs serait plus aisé. Vassitignakame Patrice, commissaire à ce marché, ajoute que les commerçants s'acquittent de leurs devoirs envers la commune car ils paient une taxe mensuelle de 3000 francs chacun. Une somme de 500 francs est payée aussi chaque semaine selon certains marchands rencontrés à ce marché. Il précise que ce marché devrait être clôturé comme c'est le cas pour d'autres marchés comme celui de Rushuru construit dans la même commune de Kayoko. Honoré Hatungimana, administrateur de la commune Kayope, dit qu'il a déjà tenu une réunion avec ses commerçants pour s'entendre sur leur contribution en vue de construire cette clôture. Il précise qu'ils sont en train d'étudier la faisabilité de ce projet qui demande des moyens consistants. Domoaro, Laurent Dikurio, Radio Sanganilo. Merci à Laurent Dikurio. Je vous le disais en titre, les infrastructures publiques et privées riveraines du lac Tanganyika risquent de disparaître si rien n'est fait dans les meilleurs délais suite à la montée des eaux de ce lac. Les habitants des quartiers Kibenga, Kinindo-Ouest et Asiatique qui se sont entretenus avec la radio Sanganilo ce dimanche disent que la situation s'est aggravée ce dimanche quand les eaux du lac Tanganyika ont connu une montée d'au moins 20 mètres. Le responsable de la plage Safi Beach demande la mise en place d'une commission d'experts qui collaborerait avec ceux de la République démocratique du Congo, puisque le problème est partagé. Les détails avec Obenyongur. Certains des habitants des quartiers Kibenga, Kinindo Ouest et du quartier asiatique s'inquiètent de la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika depuis ce samedi. Ils se sont trouvé une hypothèse commune selon laquelle s'agit-il d'une problématique qui touche et le Burundi et la République démocratique du Congo voisine. Ce samedi, la montée des eaux a eu lieu alors que la pluie ne pleuvait que du côté d'Uvira en République démocratique du Congo, expliquent ses habitants. Les places au bord du lac Tanganyika, côté quartier asiatique, qui jadis étaient occupées les week-ends par les sportives qui pratiquent du karaté ou du football, sont aujourd'hui débordés. Selon ces citadins rencontrés au bord du lac Tanganyika, si rien n'est fait, les dégâts seront énormes. Ils signalent aussi que certains des habitants des quartiers Kibenga et Kinindo Ouest ont déjà déménagé. Omar Manilambona, dit Papi, responsable de la plage Safi Beach, demande la mise en place d'une commission ad hoc d'experts pour traiter la question. Il ajoute aussi que cette commission devrait aussi se concerter en urgence avec les autorités congolaises. Merci à Aubin Niyonguru. Revenons sur la page éducation. Les membres du syndicat des enseignants CPD qui ont décidé dans leur assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 février 2021 dans leur assemblée de mettre en place de nouveaux organes. Gérard Niongabo, qui était à la tête de ce syndicat, et son vice ont été suspendus temporairement du syndicat. Ils sont accusés de ne pas organiser un congrès pour renouveler les organes. Godefroy Nizigama, secrétaire général du CPD, qui a signalé également qu'il se retire de la COSIBU jusqu'à nouvel ordre. Suivez-le. Après le changement opéré à la tête du syndicat, suite au manquement affiché par l'ex-président du syndicat, les activités du syndicat vont bon train même si des entraves ne manquent pas, notamment la désorientation des membres du syndicat par le président sortant et l'immixtion de ce dernier dans les activités des autres syndicats. Malgré cela, le syndicat CPDIC se félicite d'avoir une nouvelle équipe dirigeante conformément au statut qui le régit, l'article 24 et la reconnaissance par le ministère et à le travail dans ses attributions au regard de la loi portant réglementation de l'exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, des handicaps n'ont pas manqué. On citerait entre autres le comportement de l'ex-président du syndicat et de son vice qui, malgré l'expiration de leur mandat, n'ont pas voulu organiser un congrès pour renouveler les organes, mais plutôt se sont adonnés la mission de perturber les activités du syndicat en incitant les membres à la désobéissance aux organes dirigeants du syndicat. Le syndicat CPDIC porte à la connaissance du public en général et de ses membres, en particulier ceux qui suivent. Suite à leur comportement et conformément au statut du syndicat, M. Niongabo Gérard et Nkeshimana Egide sont temporairement suspendus du syndicat en attendant que les cas soient analysés pour y faire suite. Se référant au communiqué de presse sorti en date du 13 février 2021 par les syndicats CGPBU et SINAEB en complicité avec la COSIBU, le syndicat CPDIC demande à ces derniers de ne plus s'ingérer dans son organisation, son fonctionnement et sa gestion. Suite à cette ingérence, le syndicat CPDIC sur le tir de la COSIBU jusqu'à nouvel ordre. De son côté, Gérard Niongabo dit qu'il reste à la tête de ce syndicat jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire qui respecte la loi. Selon lui, les accusations n'ont pas de fondement au moment où certains de ces individus ne sont pas même des syndicalistes. Écoutez Gérard Niongabo au micro de Jean-Marie Mayonka. Il y a ceux qui sont membres du syndicat et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, Nizigama Godefroy, il a été représentant régional et centre et avant que le comité national prenne la décision de redistribuer dans ses fonctions. Il y a Abdelmane Tarsis qui n'a jamais été membre du syndicat depuis sa création. Et le débit commence la date du 1er septembre 2020 où ce groupe a organisé une réunion en dehors de la loi, une réunion de par l'OPV et qui nous a été présenté par l'inspection du travail qui montre que la liste de présence présente 30 participants. Sur cette liste, nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été dans la réunion mais qu'on a trouvé leur signature sur cette liste de présence. Vous constatez que le ministère de la fonction publique a écrit une lettre à M. Abdelmane Tarsis accusant réception de ce PV et malgré notre demande du PV qui est contesté. Le ministère n'a pas voulu nous donner la copie du PV, mais le ministère a accusé réception de ce PV en violation flagrante de la loi en matière de liberté syndicale. La convention 87, la convention 98, la convention 151 qui donne la liberté d'organisation et qui interdit strictement aux autorités de la fonction publique de s'ingérer dans l'organisation des syndicats. Donc jusqu'à présent, nous restons représentants du syndicat jusqu'à ce que l'assemblée générale du syndicat se tienne. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La citronnelle est une herbe riche en éléments nutritifs qui interviennent et guérissent différentes maladies comme la malaria et les troubles digestifs. Gilbert Nangwafi, chercheur nutritionniste, fait savoir que la citronnelle pour être consommé comme du thé, peut être plutôt consommé comme du thé ou être utilisé comme produit cosmétique. Il est avec Merdo Ayo. Dotée d'une tige aux qualités aromatiques, la citronnelle est une plante médicinale. Ses feuilles sont principalement composées de citral et le myrcène qui interviennent dans la lutte contre les infections, comme l'indique Gilbert Nangwafi, qui effectue des recherches en nutrition. Selon ce chercheur, la citronnelle est aussi une bactéricide qui aide à repousser les moustiques. La citronnelle contient des principaux actifs comme citronellale, le géranial ainsi que le néral. Ces principaux actifs permettent à la citronnelle de lutter contre les moustiques, les inflammations du corps, les infections ainsi que la fatigabilité. La citronnelle soigne les pathologies diverses, dit toujours Gilbert Nangwafi, qui énumère entre autres les troubles digestifs, les états grippaux et la fièvre. La citronnelle a aussi des bénéfices sur la santé humaine comme dans l'élimination des fratrances, des ballonnements abdominaux, indigestion, les rhumatismes articulaires, etc. L'infusion de citronnelle se prépare avec 15 grammes de feuilles fraîches pour un litre d'eau, signale Gilbert Nangwafi, chercheur nutritionniste. Son huile est utilisée en massage contre les douleurs articulaires. On peut utiliser la citronnelle sous forme de tisane, c'est-à-dire bouillir 1 à 2 cuillères de poudre de feuilles de citronnelle dans 1 demi-litre d'eau, bouillir pendant environ 5 minutes, filtrer et consommer. On peut aussi utiliser la citronnelle en infusion. Dans son cas, on peut prendre 1 poignée de feuilles fraîches de citronnelle, bouillir dans 1 demi-litre d'eau pendant environ 5 minutes, filtrer et boire. On peut ajouter du miel si on n'est pas diabétique. On peut aussi utiliser la citronnelle sous forme d'huile. Dans son cas, on l'utilise surtout pour la prévention des pathologies corporelles. Selon toujours ce chercheur nutritionniste, en faisant macérer 2 poignées de rhizome et 2 poignées de feuilles durant une semaine dans 1 litre et en fait le filtrer, on obtient une lotion à utiliser en friction contre les moustiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouguimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.